faudra du temps pour l'oublier. Quand c'est la fin, c'est vrai, faut l'avouer. Tombé comme hier. Je me demande qui de nous deux a tort. Oui, mon cœur fait boum boum. Je sais pas si je dois abandonner. Ça m'empêche de faire de gros billets. Baby, I need you every time. Baby, want you poco poco. Do you love me? Choqué, choqué. If you want me, show me. If you want me, show me. Baby, want you poco poco. Do you love me? Choqué, choqué. If you want me, show me. Destination Bali, oh. Besoin de changer d'air. Partout, même quand je voyage, oh. Ton vie.